Ici Aldor. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'avenir. Bonjour et bienvenue en ce 12 février 2010 au podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Je veux d'abord remercier Aldor pour avoir lancé cette émission. On retrouve Aldor principalement chez LibriVox.org, mais je profite toujours de la moindre occasion pour l'inviter à participer à nos productions. Vous avez pu l'entendre dans le rôle de Mo, le père de Chara dans Complot sur Alpa. Il a également été la voix de Rick Pavel dans Les Arènes d'eau Bioche. Plus récemment, il a incarné Jules Fléchard dans l'affaire Blaireau. Et vous l'entendrez dans le rôle du comte Ratula dans L'Estrade, agent très spécial. Je vous invite d'ailleurs à visiter son blog à aldoror.free.fr /WordPress aldoror.free.fr WordPress/. Petit aparté. Si vous aimez la radio et les audiobooks, je vous invite à découvrir audiolibris.net. AUDIOLIBRIS.NET. Il s'agit de la web radio d'Audiocité. Cathy prépare en ce moment une série d'émissions, de rubriques, dans lesquelles divers intervenants d'Audiocité vous parleront de leurs livres préférés, de littérature, de leur parcours de lecteur et autres sujets qui ne manqueront pas d'intérêt. Je vous y donne rendez-vous car j'en serai également. Rappelez-vous, audiolibris.net. Du côté des nouveautés audio de notre blog, j'ai mis en ligne hier les chapitres 20 et 21 de « Le mystère de la chambre jaune », notre mini-production de Roule d'Abeille, mettant en vedette Fred dans le rôle du petit reporter. La semaine prochaine, vous aurez droit à la deuxième partie de 5 de la pièce audio « L'affaire Blaireau », adaptée du roman d'Alphonse Allais. 23 interprètes participent à cette méga-production. La semaine dernière, Mazas et ses compagnons sont parvenus à quitter enfin l'Upus 4. Non sans mal d'ailleurs. Le petit vaisseau de Steve, touché par une salve radiante au moment de passer dans l'entre-espace, est mal en point. Nos héros cherchent donc une planète sur laquelle se poser afin d'effectuer des réparations. Ils croient l'avoir trouvé en Osilax. Mais Osilax, comme l'Upus 4, n'a rien d'un Éden. Quel danger guette Mazas Pavel et ses amis sur Osilax? C'est ce que nous saurons immédiatement avec la suite de Mazas Pavel, agent de l'OMU. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Chapitre 3. Deuxième partie. Quarante-huit heures plus tard, le cœur de Fomalo était prêt à atterrir. Ce laps de temps avait été mis à profit par les ex-prisonniers pour se reposer et soigner les conséquences des mauvais traitements subis pendant leur captivité. Il avait également permis à Mazas de quitter le bac de régénération et de rejoindre ses compagnons qui avait constaté avec plaisir que son épaule était en voie de guérison et qu'il ne lui resterait aucune séquelle de son combat avec le lico. La médecine arconide faisait vraiment des miracles. Steve fit accomplir une orbite lente à son vaisseau autour de Xylax afin de rechercher un emplacement assez abrité pour effectuer les travaux de réparation. Sous les yeux des passagers, défilait une succession de savanes de couleur ocre et de forêts d'un vert très sombre, piquetées parfois de taches rougeâtres. Un grand lac aux eaux jaunâtres semblait être la seule étendue liquide de quelque importance. Visiblement, ce monde n'avait guère l'aspect accueillant et semblait même être sur sa fin. Sur l'un des écrans en état de fonctionnement, apparut un endroit qui semblait convenir. Une trouée de 2 km de large, bornée d'un côté par une haute barrière rocheuse, de l'autre par une vaste forêt au ton vert foncé et rouille. En nous posant près de la falaise, on devrait être protégé des fantaisies éventuelles de l'atmosphère, ou du moins des plus gros coups de tabac. C'est sans histoire que le cœur de Fomalo posa ses étançons sur une surface meuble, mais formée de rocailles 15 cm plus bas. Sitôt que les détecteurs et autres analyseurs eurent rendu un verdict positif, ils quittèrent le bord en empruntant le plan incliné qui rejoignait le sol. Les 4 hommes et la jeune femme, le bras gauche enserré dans une coquille souple et légère, foulèrent l'espèce de sable noirâtre qui recouvrait le terrain d'atterrissage. Pendant quelques instants, ils respirèrent l'air frais qui les accueillait et observèrent le paysage peu engageant où ils avaient trouvé refuge. Le tapis de matière pulvérulente qu'ils foulaient ne laissait apercevoir aucune végétation, ce qui était un peu surprenant vu qu'à moins d'un kilomètre, une forêt dense mais rabougrie leur bouchait l'horizon. Je suppose que la faune, dont parle l'encyclopédie Arconide, vit dans ce genre d'endroit boisé. Sans doute, ainsi que dans les steppes que nous avons survolées et dans les océans d'eau brunâtre que nous avons pu apercevoir. Contemplant la montagne noire qui s'élevait abruptement et dont le sommet disparaissait parfois dans les nuages qui circulaient à grande allure, Kalec Voram rentrait instinctivement la tête dans les épaules. Pas folichon le coin, ce n'est certainement pas là que je viendrai me retirer quand sonnera l'heure de la retraite. Ne t'inquiète pas, on n'y restera que le temps nécessaire aux réparations. À moi aussi, le paysage paraît sinistre. Rétorqua Steve en entamant le tour de l'astronef afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Une déchirure de 2 mètres de long sur 90 cm de large laissait entrevoir des faisceaux de câbles déchiquetés ainsi que les débris de divers appareils dont les carcasses béantes laissaient échapper les organes internes. Quant à la coque elle-même, elle présentait une teinte sombre qui prouvait à l'évidence que le vaisseau avait réussi à passer dans l'espace linéaire juste une fraction de seconde avant de se sublimer. Ce qui expliquait que la majorité des capteurs, détecteurs de toutes sortes et caméras avaient fondu, rendant le cœur de Fomalo pratiquement sourd et aveugle. Alors, quel est ton diagnostic ? Le pilote se tourna vers Mazas. À première vue, je dirais que nous nous en sommes bien tirés. Ça ne semble pas trop grave. Avec l'aide des 2 robotech, les réparations devraient être terminées en 9 ou 10 jours. Disons une 12 maximum si on est pessimiste. Grâce aux dieux, nous ne manquons pas de pièces détachées. Parfait. Si cela te convient, je peux te donner un coup de main. Quand mes frères se sont occupés de mon éducation, ils n'ont pas oublié la mécanique. On gagnerait du temps si tu nous disais ce que tu ne sais pas faire. Cela dit, d'accord pour le coup de main. Et moi, je me contente d'enfiler des perles. S'exclama Corton d'un air vexé. Mais non, mon vieux. Mais pour une fois que je peux avoir un mécanicien plus sexy que toi, je n'ai pas le droit d'hésiter. Bon, trêve de plaisanterie. Tu peux te rassurer, tu auras ta part de boulot. La première journée de travaux consista essentiellement à faire le point sur tout ce qui était détruit, sur et dans le vaisseau. Et il y en avait. Mais dès le deuxième jour, les 3 mécaniciens occasionnels et les 2 robots se lancèrent dans la réparation de la coque tandis que Goral et Kalec se rendaient utiles en sélectionnant les diverses pièces nécessaires au dépannage des instruments détériorés. Les prévisions de Steve étaient bonnes, car, à partir du 9e jour, il ne restait plus qu'à relier tous les appareils et instruments réparés à la positronique de bord, ce qui représentait quand même quelques heures de travail, et à tous les essayer. Puis, un décollage et un court séjour dans l'espace seraient nécessaires afin de tester la parfaite étanchéité de la coque, car une micro-fissure avait parfaitement pu leur échapper, malgré la minutie qu'ils avaient apportée à leurs investigations. Stimulés à l'idée que leur exil sur Osilax tirait à sa fin, ils s'attaquèrent avec ardeur aux connexions des divers instruments et n'acceptèrent de se reposer que lorsque tout fut terminé et vérifié par un des robotèques. Massas va maintenant nous jeter un bon petit plat bien mérité, suggéra Kalec, ce qui déclencha un éclat de rire du pilote. Notre ami a toutes les qualités et sait tout faire, sauf la cuisine. Le trajet entre Arconis et Lupus 4 m'a permis de m'en rendre compte. Son talent culinaire consiste à programmer un repas sur le clavier de commande et s'arrête là. La jeune femme accepta avec bonne humeur la mise en boîte, faisant chorus avec ses compagnons. De toute façon, avec ce que l'on trouve à manger à bord de ton rafio, le meilleur cuisinier du monde serait bien incapable de tirer quelque chose de correct. Steve prit un faux air outragé qui arracha des sourires à ses compagnons. Savez-vous ce que je vous propose ? Interrogea Goral. Non. Pendant que Steve fera les essais d'étanchéité du cœur de Fomalo et testera les instruments dans l'espace, j'invite ceux qui ne serviront à rien à venir chasser avec moi afin de ramener un peu de viande fraîche. Je vous préparerai un de ces rôtis à la broche dont vous me direz des nouvelles, car ça, c'est quelque chose où j'excelle. Le pilote jeta un coup d'œil interrogatif à sa compagne. Celle-ci secoua la tête avant de répondre. Je n'aime pas trop que nous nous séparions. À présent que nous avons rempli notre mission et récupéré Goral, il vaut mieux rester ensemble. Mais que veux-tu qu'il nous arrive sur ce caillou désert ? La faune, à l'exception de quelques félins et primates carnivores, ne présente pas de risque. Justement, je ne tiens pas à vous voir servir de casse-croûte à l'un de ces animaux. Voyons, Mazas, crois-tu vraiment que nous ne soyons pas capables de nous garder de ce danger, si danger il y a ? Et toi, Steve, qu'en penses-tu ? Après tout, pourquoi pas ? Notre absence va durer quelques heures et les tests que nous allons faire subir au vaisseau ne requièrent que la présence de deux personnes. Alors Corton et moi-même suffiront largement à la tâche. Tu pourras accompagner Goral et Kalec. Le copilote du cœur de Fomalo tordit la bouche en une grimace de dépit, ce qui provoqua l'hilarité de la jeune femme qui abdiqua. Puisque tout le monde est contre moi, c'est d'accord. Mais c'est moi qui servirai d'assistante à Steve. En ce qui concerne la chasse, j'ai donné pour un moment, après ma partie de plaisir avec l'hélicos. Heureux comme des gamins, les trois chasseurs partirent s'équiper, pendant que leurs compagnons entamaient la checklist de leur court séjour dans le ciel d'Osilex. Goral passa une tête dans le poste de commandement. On y va. Dans combien de temps pensez-vous être de retour ? Si tout se passe normalement, dans 6 ou 7 heures. Parfait. Cela nous permettra de trouver du gibier et de vous préparer un succulent repas. Soyez prudents et ne quittez pas vos combinaisons de combat. Gardez vos minicoms branchés afin de pouvoir nous contacter à n'importe quel moment. Et donnez-nous de temps en temps de vos nouvelles. C'est d'accord, mais ne t'inquiète pas. Avec nos propulseurs anti-G et nos scaphandres autonomes, nous ne risquons rien. Bon, eh bien bonne chasse. Quand ils furent à nouveau seuls dans le cockpit, Steve reprit. Tu n'es pas vraiment tranquille à l'idée de les laisser ici, n'est-ce pas ? C'est exact. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un drôle de pressentiment. Et c'est bien la première fois que cela m'arrive. Il est encore temps d'annuler la partie de chasse. Non, je ne veux pas les priver de ce plaisir. Tout le monde a travaillé dur depuis quelques jours. Et après ce qu'ils ont vécu sur Lupus 4, cela va leur permettre de décompresser un peu. Chapitre 3, troisième partie. L'étanchéité de la coque était parfaite, les moteurs répondaient à la moindre sollicitation et la batterie de test de fiabilité des instruments suivait son cours normal. De temps à autre, L'intercom donnait des nouvelles des trois modernes Nemrod, ce qui rendait un peu de sa sérénité à Mazas. Elle savait qu'ils avaient abattu une espèce d'antilope qui, comme ses congénères terrestres, possédait deux gigots qui seraient sans doute excellents à la broche. Steve s'étira longuement pour décontracter ses muscles dorsaux endoloris et soupira. Je ne suis pas mécontent que nos essais soient terminés. Nous avons fait du bon travail. La seule chose qui m'embête, c'est que nous n'ayons pas réussi à régler parfaitement les calypses et qu'il faudra donc rentrer à la maison en plusieurs étapes. Sinon, nous courons le risque de les voir voler en éclats et dans ce cas, à un peu moins que la vitesse luminique, il nous faudra au moins deux existences pour rallier Arconis. Tu as raison et j'étais malheureusement arrivé à la même conclusion. Approuva Mazas en effectuant quelques mouvements d'assouplissement. Dans quelques minutes, on remet le cap sur Osilax et dans moins d'une heure, on est installé devant un cuisseau d'antilope osilaxienne cuit à point. La réflexion du pilote provoqua une véritable décharge électrique dans le corps de la jeune femme qui se leva d'un bond et se précipita sur l'intercom. « Bon Dieu ! Cela fait une éternité qu'ils n'ont pas appelé !»« Mais c'est vrai, ça ! Avec tous les essais qu'on vient d'effectuer, je les avais complètement oubliés !» Mazas lança un appel qui n'apporta aucune réponse. Elle récidiva à plusieurs reprises d'une voix de plus en plus angoissée. Mais le récepteur resta désespérément muet. « Il leur est arrivé quelque chose. »« Leur minicom est peut-être en panne. » suggéra Steve d'un ton peu convaincu. « Ridicule. Ils ont chacun le leur. » Mais déjà, le pilote s'était laissé tomber sur son siège contour et ses doigts volaient sur les touches de programmation. Le petit vaisseau se cabra et entama son retour vers la planète moribonde. Pendant tout le trajet de retour, Mazas poursuivit ses appels, mais toujours en vain. Tu vois, j'avais raison de ne pas être séduite par leurs idées de chasse. Je me demande bien ce qui a pu leur arriver. Sans doute rien de grave. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison à leur silence. Et que lorsque nous la connaîtrons, nous rirons de notre inquiétude actuelle. Alors, tu avoues donc que tu es aussi inquiet que moi. Steve se contenta d'un grognement en réponse à sa question. Quelques minutes plus tard, le petit vaisseau se posait à proximité du campement. Et il fallut bien se rendre à l'évidence. Les trois compagnons n'étaient pas là. J'ai peur que nous attendions un moment notre cuisseau d'antilope, marmonna le jeune homme en constatant leur absence. Mazas, qui avait eu largement le temps de reprendre son sang-froid pendant la descente vertigineuse du vaisseau, entra à l'enregistrement des conversations avec Goral dans le cerveau électronique afin de déterminer les différents emplacements d'où elles avaient été émises. « Leur dernier message provient d'ici », signala-t-elle à Steve en lui désignant un point précis de la forêt qui apparaissait sur la carte panoramique de l'écran. « Très bien. Le temps de nous équiper et d'activer les défenses automatiques du vaisseau et on peut y aller. » Dix minutes plus tard, engoncés dans leur combinaison de combat, les propulseurs dorsaux antigés les maintenant à 5 ou 6 mètres du sol, ils prirent la direction de la forêt. Il leur fallut peu de temps pour atteindre l'endroit où se trouvaient les chasseurs lors de leur dernier contact phonique. Contrairement à la région en général, la végétation n'y était pas très dense et laissait apercevoir des surfaces herbeuses que sillonnaient des sentes dues vraisemblablement au passage des animaux. Mais pas la moindre trace des trois hommes. Nous allons effectuer des cercles de plus en plus larges, en partant de ce point comme centre. S'ils n'ont pas disparu sous terre, nous devrions immanquablement les retrouver. Puisses-tu dire vrai ? S'exclama Steve, dont l'optimisme primitif commençait sérieusement à être atteint. Très inquiète sur le sort de leurs compagnons, et se sentant coupable de leur disparition, dans la mesure où elle n'aurait jamais dû leur donner son accord pour cette partie de chasse, Mazas entama une spirale dans les airs, tout en essayant, en pure perte, d'obtenir un contact phonique. Alternant les appels, ils effectuèrent des cercles de plus en plus larges autour du point central qu'ils s'étaient choisi. Régulièrement, ils traversaient des frondaisons et rejoignaient le sous-bois, mais celui-ci se révélait bien sombre, les obligeant à utiliser la lampe frontale du casque de leur combinaison de combat. De temps à autre, dans leur progression, ils dérangeaient les animaux, pour la plupart de petite taille, et semblables à de gros lièvres cornus, qui se lançaient dans une fuite éperdue, troublés par ces lumières qui les changeaient du clair-obscur habituel de leur habitat. Soudain, Steve appela. Mazas, viens me rejoindre, je crois que j'ai quelque chose. Moins de 2 minutes plus tard, elle le rejoignait et s'agenouillait à son tour à ses côtés. Tu vois, l'herbe est écrasée et on voit 3 traces parallèles. Un peu comme si quelque chose ou quelqu'un avait été traîné par terre. Tu as raison, mais on ne voit aucune trace de lutte ou de sang. C'est vrai. Mais pour l'instant, c'est notre premier indice. Essayons de voir si nous pouvons suivre ces traces. Pendant quelques centaines de mètres, le triple sillon fut visible, mais il disparut quand l'herbe fit place à l'entrelac de racines et de caillasses. C'est quand même un comble. Tout le terrain où nous avons posé le vaisseau est constitué d'une épaisseur de sable de 15 cm, et ici, dans cette foutue forêt, il y a de la roche et des cailloux. Bien malin celui qui pourrait dire où continue notre piste. Comme nous n'en savons rien, on va continuer dans la même direction. Ce terrain rocailleux ne va pas durer, et logiquement, nous devrions retrouver nos traces. Bloquant son compas dans le sens indiqué, Mazas reprit son vol. À 1 mètre du sol, les yeux rivés sur le terrain qui défilait sous son ventre. La partie sablonneuse fit son apparition à la sortie de la forêt, mais aucune trace n'apparut sur la surface vierge à son grand dame. Pas la moindre empreinte sur ce sable fin. Je me demande vraiment où ils sont passés. Plus le temps passe, et plus nos chances de les récupérer en bonne santé s'amenuisent. D'autant plus qu'il commence à faire nuit et qu'il va falloir abandonner nos recherches jusqu'à demain matin. Cela, c'est hors de question. D'ailleurs, sous les arbres, nous sommes obligés de nous servir de nos lampes, même en plein jour. Donc, nous continuerons avec nos projecteurs individuels qui devraient nous donner un éclairage plus puissant. Steve, l'air sceptique, approuva cependant la décision de la jeune femme. 2 heures durant, ils s'évertuèrent à retrouver des traces qui devaient, du moins l'espéraient-ils, les conduire à leurs amis. En vain. Mazas dut se rendre à l'évidence. Cette nuit, il ne pourrait rien faire de plus. La mort dans l'âme, ils regagnèrent le cœur de Faumalo pour y prendre quelques repos et attendre l'aube afin de reprendre les recherches. Et voilà. Les interprètes pour cette 6e partie sont K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Steven Mirersing, Fred dans le rôle de Goral Tosef, Kael dans les rôles de Corton Nagez et Kaelek Voram, et moi-même à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2008 des éditions de l'Avenir. Je vous rappelle une fois de plus que toutes nos productions sont disponibles gratuitement sous forme d'audiobooks ou d'audiodrama via notre blog à l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.